Tusi, Priska, Octoput, Aquaput, Caraput, Hydroput, pute. Je me suis levé à 12h, je recherche de la douceur. Deux ou trois pas de zooker, je fais pleurer ta chatte chou-fleur. L'empereur, le baroudeur, le partouzeur, ces chiennes me connaissent par cœur. Je vais pas leur faire de faveur, 65 cm de largeur. Je pénètre la schneck de ta sœur, je suis le maître nageur. Je lève le majeur et tes verres de trouille. Serre-toi ton glaive avant que le fer ne rouille. Une grosse paire de couilles, plongée sous-marine dans une mer de mouille. Rolex submarineur avec la loupe cyclope sur mes chicots pourris. J'ai mis des clous de girofle, je suis posé tranquille devant le four chirote. De l'alcool fort dans ma fonce, des jeux tourbillonnent. Assis dans le square mais qu'on squatte le hall. Avec tous ces anciens qui parlent de tôle. J'ai le même charisme que Charles de Gaulle. J'ai passé le casting et je n'ai pas le rôle. Je dribble tout le monde et puis je marque le goal. Je réussirai avant qu'une balle me frôle. Les chats te miaulent et moi je nage le crawl. Dans de la cyprine faite à base de niol. Tu reconnais plus le champion mec, je te la mets juste dans le fion. Cette pute veut que tous les mois je lui paie une pension. Double pute. Je suis dans l'aquarium, la fumée reste en suspension. La machine est en surtension, j'ai besoin d'une subvention. C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan. Avale mes enfants, Poséidon, Poly mon trident, Moby Dick, Cyprine et Tsunami. J'suis posé dans le sous-marin, je fuis toutes les zones arides, je navigue sur des douves. C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan. Avale mes enfants, Poséidon, Poly mon trident, Moby Dick, Cyprine et Tsunami. J'suis posé dans le sous-marin, je fuis toutes les zones arides, je navigue sur des douves. Ce fils de pute m'en regardant vers les cieux. Cette pute me suce en me regardant dans les yeux. Je vise le haut commandement à la Kouliakane. C'est moins cher à la loque donc je prends pas l'huracan. Ta schneck me fait bander comme le triangle d'or. Quand sa bibi déborde, les lions mangent d'abord. Faux gangster marqué comme un chien tatoué. T'es même pas une salope, t'es juste une chatte à louer. Je te rafale ton bat, ta ta ta ta. Je suis sous rapta, je pense qu'au plata plata. Ah putain de chauffant, on n'a pas froid. Les jaloux maigrissent sans anaka 3. Je te vise ton fion. Toutes les frappes arrivent à destination. Ici bas c'est devenu élimination. Faites attention, on sort les armes des caches comme inhumation. J'm'en fous si ma meuf me trompe avec une autre meuf. Regarde le spectacle, cette pute twerk avec une seule seuf. Tu te fais jamais péter, c'est que tu taffes avec les keufs. J'reviens sur la scène de crime et j'me barre avec toutes les preuves. C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan. Avale mes enfants, Poséidon, Poly mon trident, Moby Dick, Cyprine et Tsunami. J'suis posé dans le sous-marin, je fuis toutes les zones arides, j'navigue sur des douves. C'est nous les méchants, les grands requins blancs, les rois de l'océan, le Léviathan. Avale mes enfants, Poséidon, Poly mon trident, Moby Dick, Cyprine et Tsunami. J'suis posé dans le sous-marin, je fuis toutes les zones arides, j'navigue sur des douves.